Je sors tard, yeux baissés, cœur en alerte. Dans la cage, chaque regard peut vouloir ma perte. Un pas de travers et ça part sans prévenir. Les murs ont des oreilles mais ils savent pas choisir. Des gosses jouent les loups, des adultes font les fous. Ça crache pour un mot, ça s'embrasse pour un clou. Dans la rue c'est flou, ça tourne à l'accident. Le jour tombe vite et la peur prend son temps. J'entends les semelles, j'entends le métal. Tout le monde veut gagner, personne veut le mal. Mais ça finit sale quand le calme craque. Et les yeux disent tout avant que ça claque. Violence gratuite. Ça tourne, ça mord. Violence gratuite, ça frappe encore. Dans les blocs, dans les cours, on marche au bord, on marche au bord. Violence gratuite, main sur le cœur. Violence gratuite, froide comme la peur. Dans les blocs, dans les cours, on marche au bord, on marche au bord. Au coin du square, un rire devient menace. Un klaxon, un verre et la nuit se fracasse. Les nerfs sont tendus comme des fils prêts à rompre. Même les plus durs baissent les yeux quand ça sombre. Y'a plus de bac que des réflexes en vrac. Des phrases trop sèches, des excuses en attaque. Tout le monde court mais personne sait d'où. Le chaos fait son lit dans le bruit de nos jours. J'entends les semelles, j'entends le métal. Tout le monde veut gagner, personne veut le mal. Mais ça finit sale quand le calme craque. Et les yeux disent tout avant que ça claque. Violence gratuite. Ça tourne, ça mord. Violence gratuite, ça frappe encore. Dans les blocs, dans les cours, on marche au bord, on marche au bord. Violence gratuite, main sur le cœur. Violence gratuite, froide comme la peur. Dans les blocs, dans les cours, on marche au bord, on marche au bord. J'voudrais dire stop, mais la ville répond pas. Les murs gardent tout, même ce qu'on avoue pas. Ça pousse jusqu'à casser les dents. Et le matin ramasse les restes des gens.